Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 40, avec Mathieu, comme toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fon. Et avec un invité qui est également un auditeur, c'est Marco. Marco qui est passionné d'évolution et de Stephen Jay Gould en particulier, qui nous a contactés pour nous proposer de nous aider à monter sur un dossier, de nous aider à monter un dossier sur l'évolution, pardon. Et donc Marco est là avec nous pour nous parler d'évolution et de créationnisme. Salut Marco. Ben, salut Alan et salut Mathieu, puis merci de cette invitation pour votre très bon podcast, puis j'espère être à la hauteur. Aucun doute là-dessus. Merci à toi d'avoir proposé ce sujet qui est passionnant et qu'on n'avait pas vraiment encore traité dans le podcast. On l'a effleuré souvent. On l'a effleuré en parlant notamment de la preuve scientifique, des bonobos, de la génétique mendélienne à travers le daltonisme, de l'ADN mitochondrial, de toutes sortes de choses dernièrement avec les tests ADN. Mais en fait, on n'avait jamais consacré de dossier à l'évolution ni à la géniale théorie de Charles Darwin, qui reste à ce jour le meilleur modèle pour expliquer le phénomène. Donc on va attaquer. Moi, je me réjouis de faire ce dossier avec toi. Donc ça va être un dossier en trois parties où je vais rapidement introduire la notion d'évolution. Ensuite, tu vas nous parler des créationnistes et de leurs arguments contre l'évolution. Puis ensuite, Mathieu va nous faire un petit point sur justement les créationnistes, les différents courants, où on en est, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est pas bien. Bref, donc voilà, on va attaquer tout de suite. Bon, de mon côté, même si je commence à prendre un peu de bouteille au fil des épisodes, c'est vrai que mes talents encore modestes de vulgarisateur me permettent pas de résumer l'origine des espèces en 10 minutes. Origine des espèces, d'ailleurs, que j'encourage tous les poditeurs vivement à lire. En plus des pinsons, des scarabées et des vers de terre, l'autre truc que Darwin adorait dans la vie, c'était la poésie, et ça se sent vraiment dans son style littéraire. C'est un monument de la science moderne, c'est un livre qui a tout changé, qui fait encore figure d'autorité 150 ans après sa publication, et aussi incroyable que ça puisse paraître, ben ce livre formidable se lit comme un roman. Aucun besoin d'être spécialiste pour le lire. D'ailleurs, si tous les scientifiques avaient le talent de Darwin, ben, je pense que les vulgarisateurs seraient au chômage. Donc bon, là, je me suis tourné pour monter ce petit dossier rapidement, pour permettre d'introduire l'évolution. Je me suis tourné vers notre ami Google, à qui j'ai demandé de dénicher des papiers intitulés Evolution in a Nutshell. Et puis, il m'en a trouvé pas mal. Il y en a un qui m'a particulièrement plu. Qui est bourré d'imperfections, les biologistes me pardonneront certainement, mais il a le mérite de la clarté et constitue à mes yeux une excellente introduction. Donc j'ai eu le plaisir de le traduire avant de découvrir qu'il en existait déjà une traduction. Tant pis, je garde la mienne et de vous le livrer ici tout cuit. Donc l'article commence par nous parler de sélection artificielle. On sait tous que lorsqu'un éleveur doit envoyer certaines de ses bêtes à l'abattoir, il garde les meilleures pour la reproduction. Les chevaux de course les plus rapides vont au haras, tandis que les autres finissent à l'équarrissage. Bah, idem pour les graines de fruits et légumes, on garde les meilleurs pour la récolte suivante. Et cette méthode d'optimisation des plantes et des animaux d'élevage fait partie de la culture collective depuis toujours. Ça s'appelle la sélection artificielle. Les hommes le font depuis des milliers d'années. Bah, la sélection naturelle, si on la regarde d'un peu plus près, si on prend par exemple un lion qui pourchasse une harde de gazelles, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est une harde. Et qu'il arrive à mettre la main ou plutôt les dents sur la moins rapide, ben c'est exactement le même phénomène qui se produit. En mangeant la gazelle la plus lente, le lion a très légèrement augmenté la vitesse moyenne du reste du troupeau, donc il les a optimisés. Et seules les gazelles les plus rapides vont réussir à vivre assez longtemps pour avoir une chance de se reproduire. Comme le cheval de course qui ne finit pas à l'abattoir. Sauf que dans ce cas, comme il n'y a pas d'humain impliqué, bah ça s'appelle la sélection naturelle et non pas la sélection artificielle. Les mécanismes, finalement, ont beaucoup en commun. De la même manière, les lions les plus lents ne mangent pas beaucoup et sont donc plus faibles, ne gagnent pas les combats pour les femelles et donc se reproduisent pas beaucoup. Donc la vitesse du lion est corrélée à celle de la gazelle. Et la même tendance inexorable affecte toutes les choses qui vivent, plantes et animaux, bactéries, baleines, chacune à sa manière. L'avantage favorisé par la sélection naturelle ne réside pas toujours dans la vitesse, là c'était le cas dans cet exemple, mais il peut s'agir d'autres choses, il peut s'agir de camouflage, de vision nocturne, de cornes, de défense, de la taille, de l'intelligence, de toutes sortes de choses. C'est un processus qui n'est pas aléatoire. Il permet aux individus qui survivent de se reproduire, alors que les individus les moins adaptés à leur environnement, à leurs prédateurs, produisent moins ou peu ou pas de descendants. Et génération après génération, ben les lignes les moins bien adaptées diminuent, voire disparaissent, tandis que les mieux adaptées deviennent la majorité. C'est comme ça que ça marche. On parle aussi de niche pour limiter la concurrence. Donc les plantes et les animaux se portent également mieux là où ils ne se trouvent pas en concurrence directe avec d'autres représentants de leurs espèces ou d'espèces similaires. C'est un phénomène qui fait que petit à petit, chaque espèce trouve sa niche. Dans son écosystème, soit un espace de vie qui lui est propre. C'est pour cela qu'on ne trouve pas de lions dans les zones des tigres et vice-versa, parce qu'ils seraient en concurrence directe pour les mêmes ressources alimentaires. Et dans ces cas-là, ben, un des deux groupes finit toujours fatalement par disparaître, changer son régime ou s'en aller. On ne voit jamais deux espèces concurrentes partager la même niche pour bien longtemps. Ces niches, évidemment, elles changent avec le temps, avec les changements climatiques, les plantes, les animaux, les oiseaux, les insectes, tout varie. Les jungles et les déserts gagnent du terrain, se déplacent, se retirent, le niveau des mers monte, redescend, les montagnes s'élèvent ou s'érodent. Donc, milliers d'années après milliers d'années, les créatures sont séparées les unes des autres et se retrouvent complètement changées. Des espèces au départ complètement identiques, mais longtemps séparées, peuvent être si différentes après plusieurs générations qu'elles ne peuvent même plus se croiser. C'est ainsi que les nouvelles espèces se forment. C'est ça l'évolution. Et ça, c'est un fait observé. Alors après, certains détracteurs de l'évolution affirment que ce mécanisme ne décrit que la microévolution. Et la macroévolution, qui fait carrément émerger de nouvelles espèces, n'aurait jamais été observée. Bah, c'est un peu comme admettre que 1 plus 1 ne font 2, enfin font bel et bien 2, mais que comme personne n'a jamais compté jusqu'à 1 million, on ne sait pas si 1 million plus 1 million font bien 2 millions. On peut pas faire ce calcul en partant de 1. Ou bien, je peux marcher jusqu'à la supérette du coin, mais je ne peux pas marcher jusqu'à l'autre bout du pays. La réponse est la même dans tous les cas, c'est possible, tout ce qu'il faut, c'est du temps. Alors l'échelle du temps dans l'évolution est extrêmement importante. On sait que l'âge de la Terre est de 4 milliards et demi d'années. C'est basé sur une quantité inouïe d'indicateurs qui concordent et qui sont tous rigoureusement vérifiés. On le sait depuis 1956. Mais qu'est-ce que cet âge signifie vraiment? Au lieu de parler de temps, pour se représenter un petit peu ce que ça signifie, on va parler de distance. Admettons que 1 mètre égale 1 million d'années. Donc 1 millimètre vaut 1000 ans. À cette échelle, une vie humaine à peu près l'épaisseur d'un cheveu, environ 50 micromètres, soit 50 ans en moyenne. Alors maintenant, imaginez que vous teniez une règle d'un mètre entre les mains, donc 1 million d'années. Sur cette échelle, les technologies modernes, comme l'électricité, la radio, la télévision, les ordinateurs, l'avion, la voiture, ont été développées sur une longueur de 2 à 3 cheveux, c'est-à-dire pas grand-chose. On était au Moyen Âge il y a 20 cheveux. Les religions abrahamiques ont débuté il y a à peu près 2 millimètres. Les 4 millimètres suivants sur notre règle couvrent à peu près toutes les civilisations et leur déclin respectif. Et puis après, sur notre échelle, ben c'est l'âge de pierre. L'espèce humaine moderne a émergé il y a tout juste 10 cm dans le passé, mais l'usage du feu est venu beaucoup plus tôt, quelque part entre 50 cm et 1,50 m. Bon, notre règle d'un mètre, là, elle suffit déjà plus. Les dinosaures se sont éteints il y a 65 mètres. Ils étaient là depuis 250 mètres. La vie sur Terre a commencé il y a plus de 10 fois plus longtemps que cela, donc ça fait environ 2,5-3,5 km. La Terre elle-même s'est formée à 4,5 km à peu près, et le Big Bang à 13,7 km. Donc vous vous souvenez toujours qu'une vie humaine, c'est un cheveu d'épaisseur à cette échelle-là. Ça met les choses en perspective, hein. Comment est-ce qu'on peut dire que l'évolution n'a pas eu le temps de créer la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui? En fait, l'évolution, elle est en action, en permanence. On ne la trouve pas que dans les fossiles. L'évolution au sein des populations d'organismes vivants se passe encore aujourd'hui. On l'observe en laboratoire. C'est un phénomène qu'on a pu voir. On a vu l'émergence de nouvelles espèces. Et puis, une étude sur le poisson cichlide, je ne sais pas comment ça se prononce, cichlide, Cichlid. Tiens, là, j'aurais peut-être dû prendre la traduction alternative du parc national du Malawi. Promettait à l'époque de la rédaction du document de nous fournir un exemple de spéciation documentée dans des conditions naturelles accompagnée d'un journal des modifications génétiques. Voilà, je m'étais juré d'aller vérifier, faire un petit look-up sur cette étude. Peut-être qu'elle a avancé depuis et puis qu'on a des données. J'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Je me tape sur les doigts. Voilà, c'est fait. C'est mes devoirs pour la semaine prochaine. Enfin bref, voilà, je l'ai dit en préambule, cet article est incomplet. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je trouve que comme intro à l'évolution, c'est déjà pas mal du tout. Ça nous donne une petite idée du mécanisme. Et puis on le voit d'emblée, la notion de spéciation par l'isolement géographique est complètement incompatible avec l'arche de Noé, par exemple, et le phénomène même de l'évolution sur des milliards d'années est incompatible évidemment avec l'idée que les espèces ont pu être créées une fois pour toutes, à un instant T, il y a quelques milliers d'années. À l'époque de Darwin, ça a fait l'effet d'une bombe quand il est arrivé avec sa théorie de l'évolution, parce que une interprétation littérale des textes sacrés n'était désormais plus compatible avec la science. Donc c'était vraiment une première rupture. Et Darwin était lui-même issu de milieux plutôt religieux. D'ailleurs, il a attendu 20 ans avant de publier sa théorie. C'est en 1858, il l'avait à peu près terminé en 1838, apprenant qu'Alfred Wallace était sur le point de publier des conclusions similaires, que Darwin s'est finalement décidé. Orgueil quand tu nous tiens. Et depuis 1858, la géologie et d'autres disciplines ont confirmé l'âge de la Terre via la datation par les horloges atomiques notamment, et puis la génétique, et notamment la découverte de la structure de l'ADN en 1953, qui a isolé le gène comme vecteur de la transmission héréditaire, est venue renforcer la théorie. Donc aucun doute n'est plus permis aujourd'hui quant à l'évolution. Et pourtant, on assiste à un retour en force des courants fondamentalistes qui la dénient. Donc, c'est à ce stade-là de l'épisode que je vais passer la parole à Marc, qui va justement nous aider à décortiquer les arguments anti-évolution et puis regarder s'ils tiennent ou pas la route. Oui, ok, donc ça va être à moi. Donc tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que c'est un dossier que j'ai réalisé personnellement à partir de ma propre interprétation des connaissances que j'ai accumulées lors de mes différentes lectures. Donc ce dossier doit être pris pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pour un document amateur, et donc il peut être soumis à rectification éventuellement. Alors si j'ai décidé de réaliser un tel dossier, c'est parce que Internet, c'est le principal outil d'information aujourd'hui, mais c'est aussi le terrain numéro un pour faire de la propagande. Et si on devait organiser un concours de propagande, les créationnistes seraient certainement sur le podium. Enfin bon, c'est ce que je pense moi en tout cas, et je miserais un billet sur eux. Chacun est libre de croire en ce qui lui plaît, donc c'est pas le problème, mais tant que cela reste personnel, mais à partir du moment où l'on s'en prend à un corps de métier, que sont les scientifiques et particulièrement les paléontologues ou biologistes, en allant jusqu'à les traiter d'escrocs, je pense qu'il y a un danger et donc un combat à mener. La méthode créationniste est toujours la même, il s'agit à chaque fois de jouer sur l'ignorance des gens. La science n'intéresse pas forcément tout le monde, et puis de toute façon. Même pour quelqu'un qui est scientifique, on peut pas être au fait de tout, et donc pas tout le monde a les armes nécessaires pour pouvoir réfuter les pseudo-arguments que peuvent donner les créationnistes. Aussi, lorsqu'on entend une information qui va dans le sens de nos convictions, on a plutôt tendance à la considérer comme une vérité, sans qu'on ait besoin de nous apporter une argumentation. C'est un défaut qui n'est pas propre au créationnisme, puisqu'on est tous susceptibles de tomber dans cette facilité d'acceptation et de manquer d'analyse critique. C'est d'ailleurs lorsqu'on joue sur notre ignorance que nous sommes le plus vulnérables. Mais bon, c'est déjà un bon point d'en avoir conscience. Absolument. On avait fait d'ailleurs un dossier sur les biais cognitifs qui expliquent Ouais. ces phénomènes de validation des croyances. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire. C'est que du côté des créationnistes, finalement, on doit croire en quelque chose. C'est ça qui est demandé. On doit avoir une foi aveugle. C'est là que la science est extrêmement différente quand même, parce qu'on connaît pas forcément toutes les théories. Évidemment, on n'a pas en permanence à l'esprit toute l'information, mais elle est accessible. Elle est publiée, elle est vérifiée, elle est validée par des pairs, et puis de fil en aiguille, à travers le système de référence extrêmement rigoureux de la publication scientifique, on peut toujours remonter jusqu'à la source. Évidemment, on n'a pas toujours le temps de le faire, et puis on ne peut pas le faire sur tous les domaines en même temps. C'est pas humainement possible, mais c'est faisable. On a toujours la possibilité, si on s'y intéresse, de remonter à la source. On ne nous demande jamais de croire quelque chose aveuglément en science. Je pense que ça, c'est vraiment la différence fondamentale entre les deux approches. La différence Ouais, tout à fait. entre croyance et connaissance, finalement. C'est ça, exactement. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec vous. Je vais donc essayer de passer en revue quelques exemples d'attaques créationnistes contre la théorie de l'évolution, qu'on entend le plus souvent, et essayer d'en expliquer les incohérences, ou plutôt si, ce qui, selon moi, semble incohérent. Alors, Somme toute, oui. Pardon? On est tout ouïe. D'accord. Donc, bon, ça révolutionnera pas le monde, mais si au moins ça pouvait faire réfléchir certains sur les moyens employés par des personnages comme Harun Yahya, ce serait déjà un bon point. Donc, alors, je sais pas si tout le monde connaîtra Harun Yahya. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un escroc reconnu qui s'est improvisé comme une sorte de porteur de parole chez la communauté musulmane et qui est notamment l'origine d'un mouvement qui considère que dans le courant se trouvent des faits scientifiques qui n'auraient été découverts qu'à notre époque moderne. Donc tout cela basé bien sûr sur des concordismes assez grotesques. Et puis bien sûr, elle est à l'origine de nombreuses attaques contre la théorie de l'évolution. Donc je vais Ouais, enfin, commencer avec... il tire sur tout ce qui bouge, Harun Yahya, hein, pas que sur la théorie de l'évolution, mais je crois que tu nous en parleras un peu, Mathieu, en conclusion, non? Oui, je le citerai, mais bon, je ne veux pas en parler beaucoup non plus, il faut pas trop Ouais, s'arrêter sur lui. on va pas lui faire de pub, effectivement. Vous avez raison. Donc voilà, je vais commencer avec le premier argument que j'ai choisi d'évoquer, qui est celui des fossiles d'espèces de transition qui n'existeraient pas dans les archives fossiles. Donc c'est un grand classique, hein, chez les créationnistes. Donc c'est vrai qu'on peut être en droit de demander de nombreux fossiles montrant des caractères intermédiaires entre deux espèces, mais cela n'est qu'un a priori parce que un point important à préciser ici, c'est que le processus de fossilisation est même extrêmement rare. Excuse-nous, Et il excuse-nous, on a juste une petite coupure quand tu commençais le processus de fossilisation. Tu peux juste répéter? D'accord, ah ben je recommence, pas de Ouais. souci. Donc je disais que le processus de fossilisation donc était un événement qui était extrêmement rare, et il est encore plus rare en fait si l'animal ne possède pas de partie dure. Donc pour qu'un organisme soit fossilisé, il doit se trouver vraiment dans des conditions très particulières, comme être rapidement enseveli ou être dans un endroit privé d'oxygène. Alors, pour donner un exemple, on peut parler du site fossilifère de Burgess. Ou Burgess, on dit qu'il se trouve dans les montagnes rocheuses du Canada et qui date de l'époque du Cambrien, c'est-à-dire environ 530 millions d'années. Ce site en fait aurait été formé par un mouvement de terrain sous-marin qui aurait enseveli en fait de nombreux animaux et permettant ainsi leur fossilisation. Alors dans la version qui sera mise en ligne, hein, de ce dossier, il y aura un petit aparté sur Burgess parce que c'est un site en fait qui est très important dans l'évolution de la pensée évolutionniste, parce que non seulement c'est la première faune, une des premières faunes de métazoaires qui a été découverte, mais qu'en plus dans celui-là, les parties molles ont été conservées. Et donc ça a permis de révolutionner une vision de l'évolution de la vie. Et notamment de tordre le cou à cette idée reçue du cône de, vous savez, le cône de diversité croissance. Donc, on croyait que la vie, en fait, avait commencé par des métazoaires simples et puis s'était diversifiée au fur et à mesure, alors que non, on apprend qu'elle aurait commencé avec de façon très disparate, avec de nombreux embranchements qui ensuite, eux, se sont diversifiés. Donc, pour en revenir à la fossilisation, il est impossible de donner un chiffre pour représenter la proportion de corps qui donneront un fossile, mais celui-ci est absolument minuscule, quoi. Il suffit d'imaginer aujourd'hui, vous savez, un animal qui meurt en pleine forêt, vous revenez 6 mois après, il reste plus rien, quoi. Mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Voilà, donc il faut vraiment des conditions vraiment très particulières. Donc après, c'est mathématique, hein, pour qu'une espèce nous laisse des traces fossiles, bah, il vaut mieux qu'elle ait existé pendant une longue période et engendré une population élevée. Or, par définition, bah, une espèce de transition n'existe qu'en un lieu géographique restreint et sur une période vraiment très courte. Donc le fait de retrouver très peu de fossiles de ces formes intermédiaires, c'est plutôt une bonne chose pour la théorie de l'évolution, et c'est plutôt le contraire qui nous aurait embarrassés. Ouais, c'est juste ça, j'avais pas pensé comme ça, mais ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Alors toutefois, ce que disent les créationnistes, c'est qu'il n'en existerait pas du tout. Or, c'est faux. Ben, par exemple, on peut citer les espèces de l'ordre des Therapsidae, qui est un groupe disparu aujourd'hui, et qui constitue l'intermédiaire entre les reptiles et les mammifères. Et puis, il y a aussi de nombreux fossiles d'espèces qui appartiennent à la famille des équidés, qui montrent la disparition progressive des deuxième et quatrième doigts. Les premiers et cinquième doigts, en fait, avaient disparu auparavant. Et donc, il reste plus que le troisième doigt qui forme le sabot. Les équidés, donc, c'est des chevaux. Voilà, la famille des chevaux, des ânes et des zèbres. Ok. C'est aussi l'unité qui va de Pachycétus et Ambulocétus, qui étaient des tétrapodes aquatiques, jusqu'à la baleine. Voilà, Les donc tétrapodes aquatiques, ça veut dire qu'ils avaient encore des pattes. ils avaient encore des pattes et ils vivaient sur la terre et dans l'eau, plus souvent dans l'eau d'ailleurs. Ambulocetus a ressemblé un peu, on va dire, à un crocodile, quoi, D'accord. dans la forme de vie, quoi. Donc, on va passer au second argument. Alors celui-là, personnellement, moi, il me dresse les cheveux sur la tête. C'est lorsque j'entends dire en guise d'argument, la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie. Ah Alors, ouais. moi, il me fait bondir parce que ben, je pense que tout le monde est capable d'ouvrir un dictionnaire et de vérifier ce que signifie le mot théorie. Ça prend 3 minutes et cela éviterait de le confondre avec le mot hypothèse. Donc en science, une théorie, c'est une modélisation qui nous permet de décrire, d'expliquer et de prévoir. De plus, lorsqu'on dit théorie d'évolution, ce n'est pas l'évolution qui est théorique, mais il faut plutôt comprendre la locution comme modélisation des mécanismes de l'évolution. Ouais, c'est ça, l'évolution c'est un fait, et puis la théorie c'est le modèle qui permet d'expliquer et de prévoir ce fait. Voilà, exactement. Donc, faut faire la distinction déjà entre les deux. L'évolution, c'est un fait. Alors, fait, ça signifie pas forcément vérité absolue. Et je vais citer Stephen Jay Gould sur l'occasion, parce que j'adhère complètement à sa définition du mot fait. Donc, il dit que c'est confirmé à un degré tel qu'il serait pervers de refuser d'y souscrire provisoirement. D'accord. Voilà. Donc, l'évolution est un fait. Les êtres évoluent, ou plutôt, je dirais comme le disait Darwin, les êtres vivants se reproduisent avec modification. Pour éviter toute fausse idée de direction d'un moins bien vers le mieux, parce que souvent par évolution, beaucoup de gens sous-entendent qu'il y a une direction vers le mieux, alors qu'il n'y a aucune connotation d'amélioration. L'évolution n'est donc pas une théorie, hein. C'est ce qui est une théorie, c'est la théorie de l'évolution. C'est elle qui est réfutable. De même que la gravitation est un constat qu'on ne peut pas nier. Les objets tombent, personne ne peut le nier, ça. Mais ce qui est discutable et réfutable, c'est la théorie de la gravitation. Voilà. Donc qu'elle se fasse en fonction de l'explication de Darwin ou d'un autre mécanisme qui reste à découvrir, cela ne change rien au fait qu'il y a une évolution. Et puis pour finir sur ce point, je pense qu'il est inutile de préciser, enfin j'espère, que les scientifiques ont autre chose à faire que de travailler avec des modèles qui seraient faux. Donc s'il existerait ne serait-ce qu'une preuve montrant que la théorie de l'évolution est fausse, ben, on n'entendrait plus parler aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai, je crois que c'est ça aussi que les détracteurs de la science ont du mal à s'imaginer, c'est que le milieu scientifique est un milieu extrêmement concurrentiel, très compétitif, quoi. Et qu'on cherche à invalider les théories à tout prix, et que si on n'a toujours pas invalidé celle-ci, si les scientifiques n'ont pas réussi à l'invalider eux-mêmes, c'est qu'effectivement, elle tient la route, quoi. Ouais, d'autant plus que le but de scientifique, c'est quand même bon, voilà, la renommée. Et je pense que si quelqu'un tombait sur une preuve qui invaliderait la théorie de l'évolution, ben voilà, je pense qu'il ne serait pas prié pour la mettre à jour, quoi. Ah bah il recevrait certainement le prix Nobel. Ah ben oui, exactement. Voilà, Ok, donc donc ça c'était pour le deuxième argument. Troisième argument dont j'ai décidé de parler, c'était les contrefaçons. Donc les créationnistes, ils accusent souvent les évolutionnistes de contrefaçons et citent quelques exemples qui ont réellement existé, pour la plupart, hein, mais avec une vérité déformée. Donc il y a l'exemple de l'homme de Piltdown, qui est un de ceux qui revient le plus souvent. Alors les créationnistes braillent souvent cet exemple qui date de 1912, en accusant les évolutionnistes d'avoir voulu escroquer tout le monde en voulant faire croire qu'ils avaient retrouvé le crâne d'une espèce moitié homme, moitié orang-outan. En fait, dans l'histoire, c'est plutôt les scientifiques en fait qui auraient été trompés, donc pas tous parce qu'il y en avait qui étaient restés sceptiques devant cette découverte. Et d'autant plus qu'ils n'avaient pas accès à l'original, ils n'avaient accès qu'à des moulages. L'original était conservé dans un musée. Et vu l'époque qui ne permettait pas de datation, croire ou ne pas croire à l'authenticité de ces ossements, c'était qu'une question de confiance envers les protagonistes de l'histoire. C'est qu'une fois que les techniques de datation sont apparues et qu'on a été en mesure de les appliquer, ben, les scientifiques et évolutionnistes ont pu prouver qu'il s'agissait d'une supercherie. Et on met tout le monde d'accord, quoi. Et ce sont bien les scientifiques évolutionnistes qui l'ont prouvé et non pas les créationnistes. D'accord, et puis on leur reproche Voilà. de ne pas l'avoir prouvé. Bon, donc c'est faux, quoi. Ok? Mais en fait, cette supercherie, il s'agissait d'un crâne, t'as dit, mi-homme, mi-chimpanzé, t'as dit, ou mi-singe? Ouais, en fait, il était en deux parties. Alors, je crois qu'il y avait le crâne, l'os du crâne qui appartenait en fait à un homme, et la mâchoire qui appartenait à un orang-outan. Ah d'accord, voilà. Donc Ça doit être voilà. charmant comme bébête. En plus, c'était plutôt incohérent avec la théorie d'évolution parce que bon, que la moitié du crâne évolue et pas l'autre, bon, pas très cohérent. Donc, on entend également parfois parler d'une autre fraude, en fait, qui est l'homme du Nebraska. Alors, bon, généralement, il n'y a pas plus d'argumentation que ça. Quand les créationnistes le sortent, ils disent oui, les scientifiques, avec leur supercherie, comme l'homme du Nebraska. Voilà. Bon, c'est pas tous. C'est pas très Okay. explicite, mais bon, une personne non renseignée ne retiendra que le mot supercherie, voilà l'idée, quoi. Mais dans ce cas, il ne s'agit même pas d'une fraude. Alors, je vais faire un bref résumé de l'histoire. En fait, c'est un géologue amateur qui avait transmis une molaire retrouvée en Amérique du Sud à un paléontologue de l'époque qui s'appelait Henry Fairfield Osborne, donc pour le faire analyser. Alors, Osborne trouvait qu'elle ressemblait à une molaire de primate, bah, tout en précisant qu'il ne pouvait pas être affirmatif tant cet indice était maigre. Donc, il a décidé de se rendre sur place plus tard pour approfondir les recherches, comme tout bon scientifique, en fait, l'aurait fait. Mais entre-temps, la presse anglaise, ben, la presse anglaise qui escalait, quoi, au courant du fait, elle s'est un peu enflammée, puis elle a publié de façon totalement arbitraire le fameux dessin, en fait, de l'homme du Nebraska qu'on trouve sur le net, hein, et à qui devait appartenir en fait cette molaire. Et d'après les dires mêmes d'Osborne, ce dessin en fait n'avait aucune valeur scientifique et n'était que le fruit de l'imagination des journalistes. Et en se rendant en Amérique du Sud, donc pour de plus amples recherches, Osborne retrouva d'autres éléments et il arriva à la conclusion que cette dent, en fait, avait appartenu à une espèce de pécari. D'accord, les pécaris, c'est des espèces de gros cochons, c'est ça? Voilà, une espèce de gros sanglier. Donc bon, la confusion était quand même facile parce que faut savoir que les molaires des pécaris et des primates sont quasiment identiques. À un petit détail près qui sont une petite pointe, mais là, comme il s'agissait d'une dent très ancienne, la pointe était usagée et on la voyait quasiment pas, quoi. D'accord. Donc la confusion était facile en fait, hein, mais bon, il n'y a eu aucune supercherie, hein, il y a eu juste simplement un travail scientifique exemplaire, on lui a donné une dent, bon, il a émis une première hypothèse, mais il est allé vérifier de lui-même sa première hypothèse. Voilà. Donc bon, toutefois, il faut admettre que il y a vraiment eu des fraudes réalisées par des gens peu scrupuleux, particulièrement dans le domaine de l'archéologie, de la préhistoire. Depuis le XVIIIe siècle, mais bon, aujourd'hui, les fouilles modernes étant contrôlées et multidisciplinaires, ce genre de fraude n'est plus permis. OK. Voilà, donc ben, je vais passer au quatrième argument, hein, que j'ai relevé, c'est l'argument de complexité, donc qui est souvent avancé aussi. Alors, est-ce réellement un argument? Moi, je trouve que c'est plutôt révélateur d'un orgueil démesuré qui consisterait à dire que voilà, c'est bien trop complexe pour moi, donc ça peut pas être naturel. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc personnellement, moi je considère cela comme un faux argument et je pense qu'on peut pas prétendre être en mesure de tout comprendre dans les interactions moléculaires, voire particulières. Mais un autre point important, c'est que cette complexité, justement, elle date pas d'hier. Elle a quand même eu besoin de 4 milliards d'années pour se mettre en place. Et chaque chose complexe, c'est en fait que la somme de petites choses simples. À chaque étape, on repart pas de zéro, mais d'un système biologique qui a fait ses preuves. Ça rejoint un peu l'argument classique du Boeing qui se formerait au hasard lors d'une tempête sur une décharge publique. Je sais pas si vous avez déjà entendu souvent. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Voilà. Donc cette analogie, en plus, elle n'a rien à voir avec la J'en ai réalité de pas l'éolien. entendu parler, moi. De quoi s'agit-il? Ah ben c'est voilà. Les créationnistes disent que ben, s'il y avait une tempête sur une décharge publique, en fait. Ben, il y a aucune chance pour que cela forme un Boeing, par hasard. Voilà, où ça se rejoint ici à l'argument de la montre qui se monterait toute seule. Enfin bon, l'idée, c'est de prendre un objet qu'on a fabriqué nous-mêmes et de dire qu'il y a aucune chance qu'il se forme par hasard, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. l'exemple de la montre, je l'avais entendu, ouais, mais pas celui du Boeing, Voilà. ouais. Donc cette analogie, en fait, elle n'a rien à voir avec la réalité de l'évolution parce que ni l'homme, ni aucun animal, ni aucune cellule qui existe aujourd'hui ne s'est formée subitement du jour au lendemain sur un immense coup de hasard. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça résulte de près de 4 milliards d'années d'évolution et même les traces de vie les plus anciennes que l'on retrouve ne correspondent pas à l'étape 0 ou à l'étape 1 de la vie. Ouais, qu'on connaît toujours pas d'ailleurs, l'étape 0 ou l'étape 1 de la vie. Non, ouais, tout à fait. D'ailleurs, bon, je sais pas si on les connaîtra un jour parce que, bon, ça, je crois que les plus anciennes traces de vie, elles remontent à 3,8 milliards d'années. C'est déjà des cellules. Alors, bon, c'est même pas des cellules qu'on retrouve, c'est des traces d'activité biologique de ces cellules. Donc, pour retrouver après des êtres microscopiques qui ont vécu il y a 4 milliards d'années, bon, il va falloir se lever tôt quand même. Effectivement. Donc, ouais, voilà. Donc l'émergence de la vie a dû se faire par un continuum d'évolution à partir de premières réactions chimiques cycliques et couplées avec des réactions fournissant de l'énergie, comme par exemple une réaction d'oxydoréduction, et formant alors un métabolisme primordial. Mais On bon, dit là qu'elle on serait apparue dans l'eau d'abord, la vie, c'est juste. Oui, dans l'eau, alors oui, ça fait partie des scénarios les plus avancés, donc dans l'eau, près des fumoirs océaniques. Donc, parce que les fumoirs océaniques, c'est vrai qu'ils forment une source d'énergie aussi, de par leur chaleur. Et de D'ailleurs, chaleur, ouais. aujourd'hui, on retrouve de la vie dans ces fumoirs. Et Voilà. par fumoir, c'est t'entends quoi? C'est des sortes de petits Ouais, volcans, un peu de petits Ouais, voilà, c'est ça, c'est des cheminées, cheminées, ouais. voilà, où il sort des gaz très toxiques pour nous. Hein. Qui viennent du centre de la Terre, qui viennent des couches plus profondes de la Terre. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, il y a une température très élevée, je crois plus de 100 degrés. Et donc aujourd'hui, on trouve de la vie, et pas seulement de la vie microscopique. Hein. On trouve vraiment des métazoaires qui vivent près de ces fumoirs. D'accord. Voilà, donc bon, là on rentre dans le cadre de la biogénèse, hein, ce qui pourrait faire d'ailleurs presque un sujet d'un autre podcast. Ouais, ce serait bien une fois qu'on fasse là-dessus. Voilà, donc lorsqu'on parle en millions d'années, l'accumulation de petites transformations permet d'obtenir au final des transformations radicales. On peut faire un parallèle avec la géologie et le mouvement des plaques tectoniques qui est indécelable sensoriellement à notre échelle de. Allô, allô. J'ai cru que c'était que chez moi la coupure. On t'entend plus là. Est-ce que tu es avec nous? Oui, vous m'entendez? Ah, Ouais, on t'entend à on a nouveau. une mauvaise coupure. Ok. Donc, ouais, je Nous reprends. parlait de tectonique. De tectonique, oui, ben donc on peut faire le parallèle avec la géologie et le mouvement des plaques tectoniques qui est indécelable sensoriellement à notre échelle de temps. Donc, il suffit d'imaginer qu'à 60 millions d'années encore, ben, l'Inde, c'était qu'une île. Et qu'à la place de la chaîne de l'Himalaya, en fait, se trouvaient des plages. Et que petit à petit, centimètre par centimètre, ben, l'Inde s'est rapprochée de l'Asie en ramenant tous les sédiments marins. Et pour former un peu plus tard, ben, la chaîne de montagnes la plus haute du monde. Et qui n'a d'ailleurs pas fini de sa croissance. Donc, ben, l'argument suivant, c'est un argument assez récent, qui nous vient tout droit des partisans de l'intelligent design. Et particulièrement de son chef de proue Michael Behe. Donc c'est un membre de la droite évangéliste américaine. Donc c'est celui de la complexité ir irréductible. C'est un peu une D'accord. variante de l'argument précédent. Alors voici comment il définit un système de complexité irréductible. Alors c'est un système composé de plusieurs parties en interaction qui contribuent chacune à sa fonction élémentaire et dont l'absence d'une quelconque de ces parties empêche le fonctionnement du système. Voilà, donc ça en fait qui résonne comme si les parties avaient été assemblées par quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Du fait qu'elles peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre, elles ont nécessairement été produites et assemblées en même temps. Voilà. Mais justement, j'en parlerai un petit peu plus tard là-dessus, mais bon, tant qu'on y est, en fait, Richard Dawkins, il a repris cet argument de la complexité de comment elle s'appelle cette personne déjà? C'est Michael Michael Bay. Bay. Ouais. Et il dit en fait que cette complexité qui est défendue, en fait, repousse seulement le problème, car selon Dawkins, un tel design devrait être au moins aussi complexe. En fait, le designer de cette complexité devrait être tout aussi complexe, ou si ce n'est plus. En fait, je sais pas si vous me suivez, ça. Je vous Ouais, résume, je sais on pas. te suit. C'est-à-dire, si un créateur a tout créé, qui a créé le créateur, Voilà, quoi. donc dire que c'est pas possible d'avoir créé cette complexité, c'est un argument qui n'est pas valable, parce que finalement le créateur, il doit être forcément aussi complexe ou plus complexe, donc qu'il a créé. Donc, voilà. Ouais, toi, si on part du principe que la complexité doit être créée, le créateur de la complexité doit être lui-même encore plus complexe et donc doit forcément, d'après le principe de départ, avoir un créateur lui-même. Donc ça fait une chaîne infinie. Ouais. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est déjà pas très cohérent au départ. Bon, ça c'est l'argument un peu philosophique de Dawkins, mais il a aussi des arguments biologiques. Hein. Il les démonte l'un après l'autre aussi, ces arguments. Je sais même plus dans quel livre, d'ailleurs, dans tous ses livres, probablement. Ouais, ce serait intéressant peut-être qu'on mette une petite bibliographie dans la version écrite Et peut-être dans, de Sia. je crois que c'est God Delusion. God Ouais, je crois que Delusion, c'est The God ouais. Delusion. Ouais, pas seulement en fait. C'est vraiment un argument qui revient souvent dans pratiquement tous ces livres, en tout cas tous ceux que j'ai lus. Voilà, donc ben, cet argument en fait de la complexité irréductible est souvent accompagné d'un exemple, c'est celui de l'œil des vertébrés, Ouais. qui semble ben, trop complexe pour être le fruit du hasard. Alors moi je vous avouerai que je comprends pas trop bien en quoi un organe complexe comme l'œil des vertébrés ne peut pas provenir d'un processus évolutif et en quoi il est une complexité irréductible, sachant que bah, de simples cellules photosensibles constituent déjà un œil primitif. Il existe même des êtres unicellulaires qui possèdent des récepteurs photosensibles qui jouent le rôle d'œil rudimentaire. Donc comme par exemple chez le glène. Qui est un protiste, en fait, un eucaryote. Et bah, à partir de ces cellules, différentes améliorations peuvent intervenir, comme de simples changements topologiques de ces cellules pour une meilleure détection des rayons lumineux ou une meilleure protection ou encore la possibilité de bouger ce système de cellules photosensibles. Mais comme on l'a dit, c'est petit à petit, génération après génération. Voilà, donc on n'obtient pas un œil comme ça d'un coup de baguette Ah magique. ouais, bien sûr. Ouais. Comme j'ai dit précédemment, chaque étape ne vient pas de rien, elle est conditionnée par l'étape précédente et les formes qui persistent à travers la descendance sont des formes fonctionnelles et stables. Voilà. Donc après, de génération en génération, les variations sont créées, les variations créées sont transmises ou non. Et tout dépend du fait si cette variation permet à l'individu de vivre assez longtemps pour se reproduire et transmettre ses gènes. Bah ouais. Voilà, donc bah, une petite remarque à propos de l'œil. Celui-ci, justement, bah, il ressemble plutôt à un organe cuisiné par l'évolution, plutôt qu'à une conception intelligente, puisqu'il n'est pas vraiment parfait. Le nerf optique est en quelque sorte câblé à l'envers et il passe au milieu de notre rétine. Donc, on a tous dans notre champ visuel une zone qu'on appelle le point aveugle, ou tache de Mariotte, ou encore blind spot en anglais, il me semble. C'est-à-dire c'est une zone rétinienne qui est dépourvue de cellules photosensibles. Alors, si un architecte suprême est à l'origine de cet œil, pourquoi aurait-il laissé un tel défaut et pourquoi n'a-t-il pas réalisé un œil parfait? Alors, certains auditeurs qui sont peut-être pas au courant de cette information, en train de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vois aucun point noir dans ma vision. Eh bien, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, s'il y en a qui voient des points noirs, ben, je leur conseille d'aller voir rapidement un oculiste parce qu'il y aurait un souci dans ce cas-là. En fait, si on se rend pas compte de la présence de ce point aveugle, c'est parce que notre cerveau complète de lui-même cette lacune. De par ben, ce que j'appellerais notre logique inconsciente, en fait. Par exemple, si tout est blanc autour de ce point, alors le cerveau va interpréter ce point noir comme blanc de lui-même. Il fait une sorte Il va pas. d'extrapolation. Voilà, c'est ça, il fait en quelque sorte une retouche d'image, quoi, lui-même. Mais comme dans la nature, ben, rien n'est parfait, il est possible de tromper notre cerveau et ainsi de mettre en évidence l'existence de ce point. Donc, il y aura un lien dans le dossier en ligne. Mais s'il y en a qui veulent, en écoutant le podcast, se rendre sur l'expérience, ils peuvent par exemple taper sur Google capsule expérience, le point aveugle. Ils tomberont là, sur un site qui s'appelle lecerveau.macgill.ca. Et donc là, on peut faire l'expérience, c'est assez surprenant. Donc lorsqu'on place un point noir en fait sur fond blanc, par exemple, quand on le met pile poil sur notre point aveugle, eh ben, celui-ci disparaît. Le point noir se retrouve alors sur la zone non photosensible et le cerveau le perçoit plus. Ok, moi je vais faire l'essai, je joue les cobayes là en direct. Donc tu as dit qu'il faut Ouais. taper dans Google capsule expérience.aveugle. Alors chez moi, Ouais. effectivement, c'est le premier site qui sort, lecerveau.mcgill.ca. C'est ça, voilà, espérance jaune 06. Ok. Et puis, alors là, effectivement, je vois capsule expérience, le point aveugle. Le point aveugle est une portion de la rétine dépourvue de photorécepteurs. Pour vous en convaincre, fermez votre œil droit et fixez le plus avec votre œil gauche. Alors, on va le faire. Sur le dessin ci-dessous, avancez ou reculez, reculez-vous. Ouais, là, j'ai déjà fermé mon œil droit, alors évidemment. Reculez-vous de l'image lentement, tout en continuant de fixer le plus. Le gros point noir disparaît lorsqu'il passe sur votre point aveugle. Alors, on va essayer. Ouais, j'essaye, mais j'arrive pas. T'arrives pas? Ouais, comme ça, j'arrive pas non plus. Bon, Bon, allez, on en essayera tranquillement le après. podcast, c'est pas les meilleures Alors, conditions c'est vrai que pour fermer. c'est. Ouais, voilà, c'est pas facile parce que bon, c'est vraiment une petite zone hein, sur l'œil. Donc, mais moi, j'ai réussi à le faire. Et puis, il y a la deuxième expérience qui est encore plus révélatrice. C'est avec une ligne épaisse entrecoupée d'une zone où la ligne est effacée. Donc, si on place la zone d'effacement sur le point aveugle, bah, notre cerveau, lui, sait pas qu'il y a une zone Ah, d'effacement. du coup, il compense en prolongeant la ligne noire, c'est ça? Voilà, donc comme il reçoit pas l'information de son effacement, ben lui, ben, par expérience, nous, une ligne droite, elle est continue, donc lui va compléter cette ligne. Bon, ben, je crois que vous avez devant vous la preuve que la théorie de l'évolution est fausse, parce que ça marche pas chez moi. Oh, Mathieu, comme tu balances ça. Non, je Ouais, moi, rigole. j'ai un peu de peine aussi, mais je réessayerai On la tête essaiera reposée. Là, tranquillement on n'est après pas dans les l'émission. meilleures conditions. Ouais. À moins que ce soit l'expérience qui est mal réalisée. Ah, peut-être aussi, ouais. On verra. Si on en trouve une plus convaincante, on mettra le lien, bien sûr. Non, mais moi je l'avais fait sur celui-là et j'avais réussi. Donc, D'accord. Bon, mais toi, tu as un œil évolué. Moi, j'ai peut-être un œil divin. c'est ça. Donc voilà, puis ben, je vais passer au dernier argument que j'avais relevé, que j'avais décidé d'analyser. C'est celui qui consiste à dire que certaines espèces n'ont pas évolué. Ah Alors, ouais, on a eu des discussions sur le sujet. d'accord, ben alors. Première remarque moi, que je ferais sur celui-là, c'est que dire que certaines espèces n'ont pas évolué, c'est indirectement admettre que d'autres l'ont fait. Oui. Donc, Bon, voilà. c'est vrai, c'est Donc, un ça, argument, ouais. effectivement. Voilà, une remarque personnelle que j'avais fait. Mais bon, oui, c'est indéniable. En fait, certaines espèces n'ont effectivement pas évolué depuis leur apparition. Enfin, plus précisément, ont très peu évolué, car il ne faut pas seulement juger sur l'anatomie. Parce que nous, quand on retrouve des fossiles, on ne retrouve que la partie anatomique. Ouais, et on n'a pas, par exemple, le système immunitaire, quoi. Ouais, bon, quand on dit très peu évolué, ça veut dire que leur environnement a très peu changé finalement, c'est ça, elles ont très peu eu à Voilà. s'adapter. Bah, après, bon, je vais expliquer pourquoi, mais déjà, si elles ont très peu évolué ou pas du tout, je vois pas en quoi cela remet en cause la théorie de l'évolution, parce que, ou voir l'évolution elle-même, parce qu'il n'a jamais été dit que les êtres vivants devaient forcément évoluer, et cela en toutes circonstances. Mais le comble de l'absurdité chez les arguments créationnistes, c'est que parfois ils se servent d'extraits de livres ou de citations de scientifiques évolutionnistes, et bien évidemment sortis de leur contexte, pour appuyer leurs arguments. Donc dans le cas de cet argument-là, on trouve par exemple un extrait de Stephen Jay Gould, et là, ben, pas de bol pour eux, je connais très bien cet auteur. Donc je vous cite l'extrait hein, qu'ils utilisent. Il dit, donc, l'extrême rareté des formes de transition est le secret de fabrique de la paléontologie. L'histoire de la plupart des espèces fossiles comprend deux caractéristiques à l'encontre du gradualisme. Un, donc, la plupart des espèces ne démontrent aucun changement de direction tout au long de leur durée sur Terre. Dans le registre fossile, leur apparence est à peu près la même à leur disparition. Les changements morphologiques sont habituellement limités et sans direction. Deux, l'apparition soudaine. Peu importe la zone locale, les espèces n'apparaissent pas graduellement à la suite de transformations constantes de leurs ancêtres. Elles apparaissent plutôt d'un coup et formées complètement. C'est Stephen Jay Gould qui a dit ça? Voilà. Donc, il cite ça, mais il faut replacer, effectivement, il dit ça, mais il faut le replacer dans le contexte. En fait, il est question ici de sa théorie des équilibres ponctués. Donc, c'est une théorie qu'il a établie avec Niels Eldredge. Mais comme le dit souvent Stephen Jay Gould, cette théorie en fait ne réfute pas Darwin, qui est d'ailleurs un personnage qu'il admire. Ça le réfute pas, mais ça le complète. Gould en fait s'est toujours opposé à l'idée que l'évolution n'était faite que d'un gradualisme lent, mais il a jamais rejeté le gradualisme pour autant. En fait, dans certaines périodes, l'évolution est effectivement graduelle. Bah, par exemple, l'évolution des équidés que je citais tout à l'heure, à partir d'Oepus. Oepus, donc c'est un des premiers, un ancêtre des équidés, donc qui a donné naissance à tout un buisson qui constitue la famille des équidés. Mais dans le registre fossile, en fait, parfois, on constate que l'évolution est très rapide et se fait par saut. Enfin, c'est du moins l'impression que l'on a en observant ces registres. Et une interprétation à cela me semble assez simple et assez logique, parce que ces cas particuliers, en fait, où l'évolution se fait très rapidement, ce sont les périodes qui suivent les extinctions massives. Donc, l'histoire du vivant, elle est ponctuée de grandes extinctions massives, enfin, notamment cinq majeures, et puis d'autres un peu moins massives. Et le registre fossile, en fait, montre que chaque période d'extinction massive a été suivie d'une période de radiation, c'est-à-dire une période de diversification massive et rapide des espèces. D'accord. Alors, pourquoi cela? Parce qu'après une période d'extinction massive, de nombreux écosystèmes sont vidés. Et donc, de nombreuses places au sein de ces écosystèmes sont laissées vacantes. Ouais, c'est les fameuses niches. Voilà. Donc, on peut prendre un cas concret. On va prendre le cas de la radiation des mammifères après l'extinction des dinosaures, donc qui est appelée extinction Crétacé-Tertiaire. Les mammifères ont longtemps coexisté, ils ont coexisté avec les dinosaures. Ils sont apparus peu de temps après les premiers reptiles, en fait, les premiers mammifères. Mais ils ont existé sous forme de petits animaux nocturnes. Ouais. Voilà, donc on va dire le pouvoir terrestre qui était alors aux mains des reptiles géants, et les écosystèmes étant équilibrés, était difficile pour un petit mammifère de changer de mode de vie et de croître en taille. Ce qui assurait justement leur survie, c'est qu'ils étaient petits, quoi, et qu'ils vivaient enfouis dans des terriers, quoi. Donc on comprend facilement qu'il serait difficile pour un animal qui aurait la taille d'une vache de se creuser un petit trou et se mettre à l'abri. C'est clair. Voilà. Donc, la disparition des dinosaures et des autres prédateurs géants, ça a changé complètement la donne. Et les mammifères ont pu alors coloniser des milieux et avoir accès à des modes de vie qu'ils ne pouvaient pas espérer avant, quoi. Comme par exemple grimper aux arbres. Et donc voilà, qui dit changement d'environnement et de mode de vie, dit modification, en fait, du filtre naturel qui conditionne la sélection des individus. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, ce filtre devient vraiment large, quoi, car il n'y a plus vraiment de prédateurs. Donc, toute modification physiologique a sa chance, quoi, en quelque sorte. Et pendant cette période, la diversification est par conséquent rapide, jusqu'à ce que les écosystèmes se remplissent et qu'une nouvelle compétition et une nouvelle hiérarchie s'installe, quoi, et qu'un nouvel équilibre s'installe, tout simplement. Bon, ce dont on n'a pas parlé, c'est des mutations. Les mutations peuvent peut-être aussi avoir un rôle dans ces changements rapides au sein de l'évolution, Tout non? à fait. Les mutations, en fait, elles sont aléatoires, mais quand un écosystème est plutôt équilibré, que le filtre change pas, c'est difficile pour nouvelles mutations, en fait, de se propager. Il faut vraiment qu'elles fournissent un avantage conséquent. Alors que si un écosystème est vidé, qu'il n'y a plus vraiment de concurrence, toutes les mutations ont un peu leur chance. Donc, ça part, pour vous donner une image, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Donc, on peut faire l'analogie avec un ressort, quoi. Tant qu'on ne touche pas au ressort, en fait, celui-ci bouge pas, hein, ou très peu, suivant les conditions environnementales. Par exemple, s'il y a du vent, il va un peu osciller. Mais si on le tire fortement et qu'on sort de son équilibre et qu'on le lâche, il va osciller fortement autour de son point d'équilibre. Et puis, petit à petit, il va tendre vers une nouvelle position d'équilibre. Donc, voilà, donc on peut imaginer que c'est un peu comme ça, pareil pour l'évolution, hein, quand l'équilibre est rompu, hein, par exemple, par une chute d'astéroïdes, hein, et un fort volcanisme, il y a une période où il y a une forte radiation, et puis ça tend vers un autre équilibre. Voilà, donc cette diversification rapide, alors je précise que quand on dit le mot rapide en paléontologie, c'est assez relatif parce que c'est quand même une durée d'une bonne dizaine de millions d'années. Ouais, une bricole, quoi, quelques Voilà, mètres. c'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est quand même plusieurs millions d'années. Donc cette diversification rapide, n'apparaît pas dans les registres fossiles parce que la fenêtre est trop petite, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on voit pas d'évolution graduelle dans ces cas précis. Mais une fois l'équilibre atteint, s'il n'est pas rompu, les espèces elles vont quasiment plus évoluer puisque le filtre qui conditionne la sélection reste plus ou moins constant, quoi, lors d'un nouvel équilibre. Alors après, c'est jamais l'équilibre est jamais parfait parce qu'il y a toujours des mouvements de population, il y a toujours des changements de climat. Les écosystèmes sont pas isolés, donc il n'y a jamais vraiment un équilibre, mais un équilibre parfait. Mais bon, après les changements, l'évolution devient plus lente, quoi. Donc voilà, il y a des points de divergence au sein de la communauté scientifique, comme chaque fois qu'il y a des idées nouvelles, parce que c'est une idée quand même assez récente, hein, ça date de, je crois, des années 70. Et les créationnistes, en fait, détournent souvent les objections pour faire croire que, ben là, dans ce cas, les scientifiques ponctualistes, comme Gould, remettent en cause les fondements de l'évolution. Mais s'ils avaient pris soin, en fait, d'étudier un peu plus la question, ben, ils auraient remarqué que la théorie des équilibres ponctués, elle ne remet ni en cause le fait qu'il y ait évolution du monde vivant, ni l'ascendance commune, ni l'apparition des espèces par spéciation, et surtout pas la sélection naturelle, quoi. Ouais, c'est ça, c'était l'explication d'un phénomène particulier, parce que Darwin finalement a parlé de l'évolution au sens large, il a décrit le phénomène, les grands principes du phénomène, mais après c'est vrai qu'il n'a pas couvert tous les détails non plus, donc là Voilà. c'est un point de détail, mais qui est sorti de son contexte par les détracteurs de la théorie. C'est un des mécanismes qu'on avait évoqué quand on a parlé de dénialisme scientifique. C'était l'épisode numéro 25. C'est effectivement sortir une citation de son contexte. Voilà, tout à fait. Ouais. Bon, bah voilà, c'est des coups bas, quoi. Voilà, donc c'est bon, du coup voilà, c'est ça, il s'agit simplement d'un exemple de point de discussion en fait sur des mécanismes Ouais. évolutifs, et c'est non pas une remise en question de la théorie, quoi. Et je pense même moi que, personnellement, comme cela souvent arrive en science, en fait, lorsqu'il y a deux points de vue différents, je pense qu'il s'agit là en fait de deux visions d'un même principe, en fait. C'est que le vivant est en interaction avec son environnement, et donc il évolue sensiblement à la même vitesse que celui-ci. Donc, si l'environnement est stable, il va évoluer lentement. Si l'environnement subit une modification soudaine, on va avoir alors une spéciation rapide. Donc d'ailleurs, il y a un exemple assez récent qui peut éventuellement illustrer ces propos. C'est l'évolution d'un lézard qui est nommé Podarcis sicula, qui a été introduit en fait sur une île croate au nom assez imprononçable pour moi, donc je ne dirai pas le nom, mais en seulement en fait une trentaine d'années seulement, ce lézard qui a donc vu son environnement changer du jour au lendemain, a changé de façon très significative. Il a grandi, sa mâchoire est devenue plus puissante, et il a changé de régime alimentaire. Donc avant il était insectivore, et il est devenu herbivore, quoi. Donc cela entraîne des modifications au niveau des intestins. Ouais, c'est intéressant, je connaissais 30 pas. ans, tes modifications en 30 ans, c'est vraiment rapide. 30 ans, Ouais, c'est effectivement. rien du tout. Ouais. Je Voilà. crois qu'on avait observé dans ce cas particulier déjà des modifications en trois générations. Enfin, il semblerait qu'il puisse y avoir des mutations en réponse à des stimuli de l'environnement. C'est des phénomènes qui ne sont pas encore très bien explorés, d'après ce que j'ai compris. Mais alors, c'est clair, on va encore venir avec des éléments qui vont compléter la théorie de l'évolution, c'est certain. Ouais, mais il y a d'autres cas comme ça. Je voulais chercher un autre cas, j'ai plus pensé. Je sais plus, je crois que c'était des moineaux, en fait, qui venaient d'Angleterre et qu'on avait introduit en Amérique du Nord. Maintenant, en fait, ils forment une sorte de mosaïque, en fait, en Amérique du Nord, suivant les climats, ils sont plus ou moins gros, avec des tailles vraiment différentes suivant les zones géographiques, quoi. Un peu, en fait, c'est un peu le même principe que les pinsons de Darwin avec leur bec, quoi. Suivant leur milieu, en fait, ils ont des becs. Ah, petite coupure de nouveau. Ah, ouais, vous m'entendez? Oui, voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, enfin, dernier point en fait, sur cette théorie des équilibres ponctués. Elle peut être avancée aussi pour expliquer la rareté des fossiles des espèces de transition. Parce que donc voilà, comme l'évolution se fait rapidement, ça laisse pas vraiment d'espèces de transition, quoi, dans les registres fossiles. Mais néanmoins, comme le dirait Stephen Jay Gould, en fait, d'une façon générale, ce sont surtout les fossiles de transition entre les espèces, qui sont l'échelon les plus bas de la classification du monde vivant, qui sont rares. En fait, les espèces intermédiaires entre groupes plus vastes, par exemple entre reptiles et mammifères, comme je disais tout à l'heure, qui sont les thérapsidés, ou entre dinosaures et oiseaux, eux, au contraire, sont plus nombreux, quoi. Et d'ailleurs, je vais citer Gould à ce sujet. Alors, il dit, c'est extrait de son livre Quand les poules auront des dents. Il a souvent des noms. J'adore le titre, c'est excellent. Et donc, c'est un chapitre qui s'appelle Évolution, faits et théories. Et il dit, en plus, il répond au fait que les créationnistes le citent souvent. Et il dit, puisque nous avons proposé des équilibres ponctués pour expliquer les tendances évolutives, il est irritant d'être sans cesse cité par les créationnistes, à dessein ou par stupidité, je l'ignore, comme affirmant que les fossiles ne comportent pas de forme de transition. Celles-ci manquent habituellement au niveau des espèces, mais elles abondent entre groupes plus vastes. Voilà. Ok. On arrive petit à petit à la conclusion. Hein. Bon, alors la liste est encore longue. Il existe d'autres arguments qui frisent souvent le ridicule. Hein. Par exemple, si l'homme descend du singe, pourquoi est-il encore des singes? Donc, je sais pas si vous l'avez souvent entendu, sûrement. Ouais, je l'aime bien celui-là. Voilà, donc pour moi c'est aussi ridicule que de dire ben, si les Québécois descendent des Français, pourquoi existent-ils encore des Français? Ouais, bonne question, tiens. Non, Voilà. je déconne. Voilà, donc sinon il y en a un, mais alors là on touche vraiment le fond. Et j'ai déjà vu sur des forums dire ben, depuis que l'homme essaie de voler et de nager, ben, pourquoi il lui est pas poussé des ailes ou des nageoires? Donc c'est véridique, j'ai vraiment lu ça sur des forums, quoi. Donc c'est la bise du ridicule, mais c'est quand même révélateur d'une certaine idée reçue qui est courante et qui consiste à croire qu'il y a évolution selon une nécessité, alors que pas du tout. Voilà, donc parfois certains sont quand même prêts en fait à faire un consensus et admettre qu'effectivement il y aurait des petites variations. Des micro-évolutions à l'intérieur d'une espèce et pas pour autant de macro-évolutions. C'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Alan, hein, dans ta présentation. Mais là, voilà, j'en reviendrai à l'analogie de la tectonique des plaques, hein, avec les micro-mouvements de l'Inde qui transforment radicalement une plage, hein, en chaîne montagneuse. D'ailleurs, on peut noter que la théorie de l'évolution de Darwin et puis l'idée que les continents sont en mouvement émergent à peu près à la même époque. La tectonique des plaques, vraiment, le mouvement des continents, je crois que c'est 50 ans après Darwin, hein, début du siècle, en fait, au début du 20e siècle. Et donc, c'est une époque où on commençait à comprendre, en fait, à peine que la Terre était vraiment vieille. À l'échelle des temps géologiques, la somme de ce qu'on appelle micro-changements, en fait, donne au final des changements radicaux. Et pour conclure, je dirais que c'est peut-être cela qu'ont du mal à se représenter en fait les créationnistes, c'est cette échelle de temps gigantesque devant notre insignifiante durée de vie. Voilà. Ouais, Voilà. c'est vrai. Quand on met les choses dans leur contexte, comme ça, on les comprend. Mais bon, le problème, c'est que pour certains d'entre eux, ils remettent en question cette durée, justement. Ouais, C'est d'ailleurs, notamment le cas des. j'en parlerai un petit peu de ça. Ok, alors, vas-y, la parole est à toi. T'as terminé, Marco? Bien, tu conclus Bah oui, là-dessus? c'est bon, c'est fini pour moi. Bah, merci bien, merci bien. Ouais, dossier super intéressant, merci beaucoup. Voilà, j'ai essayé de faire succès, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, quoi. Bon, j'ai essayé de faire un peu ce qui revenait le plus souvent comme argument, qu'on entend le plus souvent. Bah, je vais essayer d'enchaîner moi sur un peu. Bah, je vais parler un peu plus de l'histoire du créationnisme et de différents courants qui s'inscrivent dans le créationnisme. Alors, bon, c'est un peu nouveau pour moi, parce que je m'étais, à vrai dire, pas vraiment arrêté sur le créationnisme plus que ça. Bon, le créationnisme en tant que tel, c'est bon, une doctrine religieuse fondée sur la croyance selon laquelle la vie, la terre et par extension l'univers ont été créés par Dieu, selon des modalités conformes à une lecture littérale de la Bible. Ses partisans affirment que le monde a été créé par Dieu en 6 jours et soutiennent que Dieu aurait créé chaque espèce végétale ou animale de façon individuelle. Le premier jour de la création aurait été le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. C'est précis, il faut laisser, ça se mérite là. Et alors, le créationnisme est né au 19e siècle et bon, est très implanté aux États-Unis, comme tout le monde le sait, particulièrement dans la communauté des Mormons, et il est aussi présent dans de nombreuses autres églises, entre autres protestantes, anglicanes et évangéliques. Et il est de plus en plus présent dans les écoles et dans l'éducation. Et l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles publiques de plusieurs États américains, dont le Tennessee, était interdite jusqu'en 1968. Wow. Donc ça fait il n'y a pas très longtemps. Hein. Et cette lecture littérale de la Bible, telle que prônée par les créationnistes, est refusée finalement par la majorité des églises chrétiennes actuelles, qui privilégient une lecture plutôt interprétative au lieu de littérale. Alors, il y a différents courants, sous-courants, qui ont un peu émergé au sein du créationnisme. Bon, j'en ai relevé quatre et un cinquième qui serait le dessin intelligent, qui pourrait peut-être s'inscrire dans un de ces quatre sous-courants aussi. Alors, je vais citer juste les quatre, après je vais parler un petit peu de chacun. Il y a le créationnisme littéraliste, le créationnisme concordiste, le créationnisme finaliste et le créationnisme théiste ou évolutionniste. Alors le premier, le créationnisme littéraliste, lui part d'une lecture vraiment littérale de la Bible. On dit qu'il a, qu'il, on évalue qu'il est adopté par environ 15 millions de personnes. Dans ce courant, il y a ce qu'on appelle le créationnisme jeune terre, qui est une des formes les plus radicales du créationnisme, défendu notamment dans les églises chrétiennes évangéliques américaines, par une partie de l'église orthodoxe russe, mais hors de Russie. Et par certains courants islamistes qui affirment que la Terre a littéralement été créée en 6 jours par Dieu et que l'évolution des espèces est un mythe, qu'Adam et Ève ont littéralement vécu et péché dans le jardin d'Éden et que les fossiles retrouvés sont des objets créés par le diable pour tromper les êtres humains. Donc, ça, Ah c'est. bah ouais, il fallait bien qu'il intervienne à un moment, celui-là, c'est Oui, logique. mais bien Mais sûr. Mathieu, tu as dit 15 millions de personnes, ça c'est la totalité des créationnistes littéralistes à travers le monde ou bien c'est sur un, j'allais dire un marché particulier? À travers le monde. D'accord, mais donc finalement il n'y en a pas beaucoup, c'est fou le bruit qu'ils arrivent Oui, à non, mais faire. attends, parce qu'il y a, il y a, il y a C'est différents déjà types de, beaucoup trop, il y hein. a différents types de Ouais, création, bon. il y a différents courants créationnistes. Ça, c'en est un. D'accord, Après, ok. dans les autres, Donc ça c'est les plus extrêmes. c'est les plus extrêmes, les plus radicaux. Ok. Un deuxième sous-courant, c'est le créationnisme concordiste. Alors lui, il cherche un accord entre le texte et la recherche scientifique. Et là, on évalue qu'il y a entre 20 et 25 millions d'adeptes. Donc tu D'accord. rajoutes aux 15 millions précédents. OK. Dans ce courant-là, il y a ce qu'on appelle le créationnisme vieille terre, qui s'oppose au créationnisme jeune terre que j'ai cité précédemment. Donc le créationnisme vieille terre, vu les récentes découvertes en astrophysique et en biochimie, ce courant vieille terre tente de conjuguer et réconcilier orthodoxie scientifique et orthodoxie religieuse. Et comme son nom l'indique, sa caractéristique est qu'il conçoit que l'origine de l'univers et de la vie sur Terre remonte à une longue période, donc des millions voire des D'accord. milliards d'années. Et c'est une forme de créationnisme qui accepte de reconnaître l'âge avancé de la Terre, qui accepte l'existence du Big Bang, que refusent les créationnistes jeune Terre dont j'ai parlé avant. Ouais. Mais tout en adhérant à la croyance selon laquelle le Big Bang serait un événement créateur avec Dieu pour auteur. D'accord. Une troisième forme de créationnisme, c'est le créationnisme finaliste, qui adopte l'approche scientifique sans réserve, mais en discute la finalité. Donc c'est une tendance qui serait la plus répandue aux États-Unis et la mieux implantée en Europe également. C'est-à-dire que. Donc une finalité, ça veut dire qu'il y aurait un sens à l'évolution, il y aurait Exactement. un but. Exactement. D'accord. Et une quatrième forme qui est le créationnisme théiste ou créationnisme évolutionniste, dans lequel Dieu est reconnu comme créateur, mais dont la création suivrait son cours librement D'accord. ensuite. Et là, on dit qu'il y a environ 20 millions d'adeptes. Et selon eux, certains, voire tous les enseignements classiques sur Dieu et la création sont compatibles avec tout ou presque tous les enseignements de la théorie de l'évolution. D'accord, mais c'est toujours des créationnistes? Bon, on les appelle créationnistes, théistes ou évolutionnistes parce que, ouais, ils parlent quand même d'un dieu créateur qui est à l'origine de l'évolution. D'accord. Bon, ok. Et puis les finalistes, tu sais combien il y en a? J'ai pas. Écoute, non, alors j'ai pas le chiffre là. Non, j'ai pas le chiffre sous les Du yeux. nombre. Et alors bon, un courant un peu parallèle qui s'inscrit aussi dans le créationnisme et qui reprend un peu certaines idées dont j'ai parlé, c'est le dessin intelligent ou l'intelligent design. Ouais. Donc le dessin intelligent, c'est l'hypothèse selon laquelle certaines observations de l'univers et du monde, du vivant, sont mieux expliquées par une cause intelligente que par des processus non dirigés tels que la sélection naturelle. Cette thèse a été développée par le Discovery Institute au travers d'un document à usage initialement interne, mais je crois qu'il y a eu des fuites qui s'appelait The Wedge. Et en fait, ce Discovery Institute, c'était une sorte de cercle de réflexion, un think tank conservateur chrétien américain. D'accord, qui s'appelait comment, t'as dit? J'ai une petite coupure de mon côté. Discovery Institute. D'accord. Et le dessin intelligent est présenté comme une théorie scientifique par ses promoteurs. Mais dans le monde scientifique, il est considéré comme relevant plutôt de pseudo-sciences, tant par Ouais. des arguments aussi bien internes à la biologie, c'est-à-dire que les promoteurs du dessin intelligent apparaissent aux biologistes comme ne tenant pas compte de nombreuses observations, mais aussi par des arguments épistémologiques, parce que finalement, le dessin intelligent ne répond pas en particulier aux critères de réfutabilité de Karl Popper, dont on avait parlé dans un épisode précédent. Exactement. Pour rappel, ce critère de Popper dit qu'une théorie ne peut être qualifiée de scientifique que si elle permet des prédictions pouvant être invalidées par l'expérimentation. Ce qui n'est pas le cas du design intelligent. Donc, ce n'est pas une, c'est une théorie. Le design intelligent ne peut pas être réfuté par le critère de Popper. Donc, on ne peut pas se considérer comme une science. Mais eux-mêmes se considèrent comme scientifique et le design intelligent comme une théorie scientifique. Du point de vue idéologique, les principaux acteurs du mouvement du design intelligent acceptent un univers âgé de plus de 13 milliards d'années, un peu comme les créationnistes vieille Terre, et ils acceptent aussi la théorie du Big Bang, mais avec pour opinion personnelle qu'il est causé par une sorte de grand horloger. D'accord? Et il rejette le mécanisme de mutation aléatoire couplé à une sélection naturelle comme moteur de l'apparition de nouvelles espèces. Ils affirment que la théorie scientifique traditionnelle de l'évolution par voie de sélection naturelle ne suffit pas pour rendre compte de l'origine, de la complexité et de la diversité de la vie. C'est ce que nous avait un peu expliqué Marc auparavant. Et donc c'est là où je reviens sur ce qu'avait dit Richard Dawkins à ce sujet, qui disait que permettre à un designer intelligent d'être responsable pour une complexité improbable repousse seulement le problème, car selon Dawkins, un tel designer devrait être au moins aussi complexe que la complexité qu'il a créée. Les promoteurs du dessin intelligent affirment que certains groupes d'éléments biologiques forment un tout fonctionnel, dont il est très improbable qu'il soit le résultat de l'évolution de sous-parties qui le constituent. C'est ce que nous disait tout à l'heure Marc avec la complexité irréductible. Voilà, et que tous ces éléments doivent être apparus simultanément et correctement reliés pour être fonctionnels. Ils prônent que les racines de leur mouvement se retrouvent chez certains penseurs grecs antiques comme Socrate, Platon, Aristote, qui pensaient que l'apparition du monde naturel nécessitait un esprit, ou encore Cicéron, qui voyait dans les étoiles et l'adaptation des animaux une preuve du design rationnel. Et puis il disait vraiment tout ça, tous ces gens-là, ou c'est... C'est de nouveau des théories tirées par les cheveux. Bon, je crois que certains penseurs grecs allaient dans cette idée-là et d'autres soutenaient plus une théorie de l'évolution plus classique. Ouais, enfin, Mais théorie de l'évolution chez les Grecs, elle n'avait pas ouais, non, encore été pensée, elle, la ouais, théorie de mais on verra l'évolution. après dans la côte. Il y a une petite côte d'ailleurs que nous a. Non, on verra. Non, Bon, c'est vrai que d'accord, la ok, théorie de je l'évolution retire. n'existait pas chez les Grecs, mais bon, les philosophes grecs avaient quand même une certaine idée du monde et certains, bon, voilà, tirant plus vers le créationnisme et d'autres tirant plus vers Darwin. Bon. Le dessin intelligent ne spécifie pas l'identité du designer, du grand horloger qui est derrière tout ça et affirme que sa nature, extraterrestre ou supranaturelle, ne peut être déterminée par une science matérialiste. Et enfin, la démarche adoptée par les tenants du dessin intelligent s'oppose à la démarche scientifique en ce qu'ils ne tentent pas de démontrer que leurs arguments sont valables, mais demandent à leurs détracteurs de prouver qu'ils ne le sont pas. Ouais, ça c'est encore un grand classique du danielisme, on Voilà. l'avait vu. Alors, peut-être quelques chiffres sur la situation actuelle du créationnisme. En 2011, l'Institut français Ipsos a réalisé un sondage pour l'agence de presse Reuters sur la position de la population de 24 pays sur le créationnisme et l'évolutionnisme. Alors, j'ai un lien sur Wikipédia où on retrouve ce tableau. Alors, quelques petits exemples. En Europe, On a par exemple, alors que je regarde, en Allemagne, il semblerait qu'il y ait 12% de créationnistes et 65% d'évolutionnistes. En Grande-Bretagne et 23% sans opinion. En Grande-Bretagne, 12% de créationnistes, 55% d'évolutionnistes et 34% sans opinion. En France, 9% de créationnistes et 55% d'évolutionnistes. En Belgique, 8% de créationnistes et 61% d'évolutionnistes. Bon, il y a 24 pays en tout. On retrouve la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, la Pologne, l'Argentine, le Mexique, enfin 24 pays. Et au total, si on fait la somme, on voit on arrive à 28% de créationnistes et 41% d'évolutionnistes. Et Wow. 31% sans opinion. D'accord. 28%, c'est presque un tiers quand même Ouais. de créationnistes. Bon, c'est sur Waouh. 24 pays. Ouais, mais bon, d'accord. Et votre pays, la Suisse, il n'y a pas donné? Elle n'est pas donnée, non, malheureusement. Non? Ah ben c'est, il doit avoir 100% de neutre, non? Ah Ouais, bien vu, bien vu. Mais Allez, bon, en on parlant de dirait que la c'est ça. Suisse, y a quand même plusieurs associations qui militent contre la théorie d'évolution et pour une lecture littérale de la Bible. Entre autres, le Centre biblique européen, fondé en 1983 à Vuaran. L'Alliance Pierre Vivante, fondée en 1986 à Civrier. Et l'association Création Bible Science, fondée en 1987 à Vevey. D'accord, elles datent toutes à peu près de la même époque, c'est Ouais, marrant. ouais. Ouais. En Belgique, une enquête a montré que 20% des Flamands adhéraient à la théorie du créationnisme en 2008. En France, il y a une association qui se fait appeler Université interdisciplinaire de Paris. C'est une association qui regroupe 1250 adhérents et qui existe depuis 1995 et qui organise des conférences soupçonnées de défendre le créationnisme. L'Institut de recherche Pew aux États-Unis a réalisé en juillet 2005 un sondage montrant que 64% des Américains étaient favorables à l'enseignement du design intelligent en plus de la théorie de l'évolution. Aïe, aïe, aïe. Et que 38, 65%. ouais, 64%. Donc c'est comme s'il s'agissait que d'une théorie, en fait, des deux côtés, puis il faut enseigner les deux, parce que, et puis laisser les gens faire leur choix, quoi. Ça doit être ça, l'esprit, en Ouais, fait. exactement. Ouais, bah là, il y a du boulot à faire, hein. Et maintenant, il y a aussi, cet institut de recherche, ce sondage de cet institut nous dit aussi que 38% ne voulaient pas que la théorie de l'évolution soit enseignée dans les écoles publiques. Ouais. Et un autre sondage mené fin 2007 par le Journal des sociétés de biologie américaine affirme que 61% des Américains sont d'accord avec le concept de l'évolution et 29% des sondés estiment que la vie a été créée sous sa forme actuelle. La portée officielle du créationnisme est aujourd'hui délaissée au profit des théories de l'intelligent design et plus aucun État américain n'a inscrit dans son programme l'enseignement à parité du créationnisme et de l'évolution. Mais les écoles privées jouissent encore d'une liberté à ce sujet. D'accord? Ouais, bah non, pas d'accord, mais Non, mais pas le choix. non, non, mais bon, c'est bien, à quelque part. Aucun État américain n'a inscrit dans son programme l'enseignement à parité du créationnisme et de l'évolution. C'est quand même dans une bonne direction. Dans les années 2000, l'enseignement du créationnisme progresse dans les établissements d'Allemagne, des Pays-Bas, de Russie, de Suède et de Pologne. Dans plusieurs pays européens, il semblerait que de plus en plus d'étudiants s'opposent à l'enseignement de l'évolution en cours. Et un sondage effectué au début de 2006 par la chaîne BBC révèle que près de 40% des personnes interrogées veulent que le créationnisme soit enseigné au cours de sciences au Royaume-Uni. 40%, hein. Gasp, 40%. Bon. Et les arguments créationnistes d'origine chrétienne sont aussi devenus populaires parmi les musulmans, notamment en Turquie, en Indonésie, en Malaisie et dans la diaspora musulmane européenne et nord-américaine. Donc, on revient sur Harun Yahya, c'est un pseudo de ce personnage qui s'appelle Adnan Oktar, qui est une des figures centrales du créationnisme en Turquie. Tu en avais un petit peu parlé, Marco. Il y a quelques années, il avait créé son Atlas de la création, un ouvrage créationniste de plus de 800 pages qui avait été envoyé à nombreuses institutions dans différents pays. Et en 2008, la deuxième cour criminelle de paix turque a fait bloquer l'accès au site de Richard Dawkins. suite à des critiques qu'il avait formulées contre le créationnisme. Ouais, c'est dingue. Et le judaïsme n'est non plus pas en reste. Certains courants contemporains du judaïsme acceptent le créationnisme évolutionniste. Donc ils acceptent l'évolution, mais quand même avec un Dieu créateur au départ. En juin 2007, un comité spécial du Conseil de l'Europe a préparé un dossier spécial sur les dangers du créationnisme dans l'éducation qui établit une liste d'organismes européens suspectés de faire la promotion du créationnisme. Alors, voilà pour le créationnisme. Je vais juste citer un peu pour, voilà, deux petites théories additionnelles exotiques qui un petit peu farfelues que je trouve, voilà, qui vont donner peut-être un petit peu de gaieté, ou je ne sais pas, enfin bon. Ouais, je sais pas, vas-y, essaye. Alors voilà, j'en avais déjà parlé une fois, je crois, la théorie de la panspermie, qui est une théorie qui affirme que la Terre aurait été fécondée de l'extérieur par des moyens extraterrestres à partir de corps rocheux comme les comètes. Elle a été proposée dans sa forme moderne par Hermann von Helmholtz en 1878. Ouais, mais il n'y a pas encore un culte de ce truc-là. Je crois que c'est une hypothèse valide, y compris parmi les scientifiques, cette histoire, non? Ouais, valide, j'irai pas jusque-là. Hein. C'est une hypothèse de travail, quoi. Il y a certains cosmologistes qui ont cette idée-là et qui la promeuvent. Et des cosmologistes même reconnus, mais il n'y a aucune Il n'y a aucune espèce de preuve, là, on preuve. est tous d'accord là-dessus, mais on parle juste d'une hypothèse, enfin d'une idée qui demande à être testée. On ne parle pas encore d'une idéologie, il me Non, semble, ou si. je crois pas à ce point-là. Non, je crois pas à ce D'accord. point-là. Je crois qu'on parle aussi de panspermie, en fait, quand on parle de la théorie comme quoi des acides aminés, en fait, seraient venus, Ouais, auraient c'est été ça, ouais. attirés C'est par ça. des comètes. Voilà. Ouais. Et puis alors une autre là, un peu plus fantaisiste, mais que j'ai trouvé drôle, donc voilà, ce sera pour conclure. C'est le simulisme. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Jamais entendu parler, non? Jamais. C'est pour ceux qui ont regardé un peu trop de films de science-fiction. Il s'agit en fait d'un concept qui consiste à supposer que la réalité que nous percevons puisse être le fruit d'une simulation informatique. Et c'est une théorie qui explore la possibilité que nous vivions dans une sorte de réalité simulée. Et étant donné Ah, c'est Matrix, en fait. C'est Ouais, Matrix, quoi. ouais. Alors D'accord. justement, juste en quelques mots, l'idée c'est que la puissance de calcul des ordinateurs sont de plus en plus performantes et croissent exponentiellement. Donc ça c'est la loi de Moore qui dit que chaque 18 mois, la puissance de calcul des processeurs double. Et les promoteurs du simulisme avancent que d'ici 2029, on sera capable de créer un jeu virtuel qui pourrait simuler en grande partie notre univers et ses lois physiques avec des avatars capables, comme les humains, d'avoir des émotions, des relations sociales et une intelligence artificielle. Et les promoteurs de cette idée avancent que si l'humanité est capable de créer un tel environnement virtuel, une telle simulation informatique, il n'est pas impensable d'imaginer que nous-mêmes, notre humanité, notre civilisation, vivions dans une simulation informatique et notre réalité soit simulée. Et c'est justement, il s'appuie beaucoup sur le personnage de Morpheus de Matrix et qui avait dit dans le film, si le réel est ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous entendons et ce que nous voyons, alors le réel est seulement constitué de signaux interprétés par notre cerveau. Et ces signaux pourraient venir d'un grand ordinateur. Donc voilà. Mais mine de rien, ce simulisme, il est avancé par certains promoteurs du courant transhumaniste. Je pense, je sais pas, tu en as un petit peu entendu parler, je crois, toi, Alan, de ce mouvement transhumaniste. Ouais, Ouais. ouais, Qui, mine de rien, a plus en ouais. plus d'écho, ce mouvement aussi. Donc, bon. Mais... Ouais, il faudra peut-être qu'on y consacre un sujet une fois. C'est des courants de pensée assez intéressants. Bon, il y a pas mal de délires aussi, mais enfin. Ouais, entre autres, simulisme. Mais tu sais, j'étais la semaine dernière au World Science Festival à New York, là. Il y avait une soirée entière qui était consacrée à l'univers est-il un hologramme? C'est un nouveau thème en cosmologie. En fait, tout autour de nous ne serait qu'illusion. Il faudra que je t'explique un petit peu. Ça, c'est un sujet pour toi. Il faut absolument que tu le traites D'accord. à l'occasion. Mais enfin, c'est dérivé des travaux sur les trous noirs. Tout est aspiré, tout disparaît dans un trou noir, mais on se demande où passe l'information sur ce qu'était l'objet qui a disparu dans le trou noir. Puis il semblerait qu'en fait l'information reste stockée sur les bords du trou noir. Et puis que si tel est vraiment le cas, alors par extrapolation, on arrive à construire une théorie cohérente qui indiquerait que tout finalement tout n'est que hologramme, c'est-à-dire que toute l'information est codée de manière bidimensionnelle, et puis ce codage bidimensionnel permet de construire une réalité tridimensionnelle. Enfin, c'est vraiment un truc pour toi, il faudra que Ouais, tu te non, plonges mais dedans. j'en avais entendu parler une ou deux fois, mais à vrai dire, j'avais jamais rien compris. Donc, Ouais. j'ai pas tellement creusé parce que ouais, j'avais vraiment pas compris l'idée, quoi. Mais ouais, si j'ai le temps une fois, j'essaierai Ouais, tu vas d'approfondir. creuser. Je trouve que ça vaut le simulisme. Mais Ouais. alors, cette fois, c'est des scientifiques très sérieux, Ouais. quoi, qui sont derrière. C'est des sommités de la cosmologie. Enfin, ouais, je pense qu'on a pas fini finalement de s'interroger sur nos origines, savoir d'où on vient, d'où vient l'univers. Et puis, bah, après, voilà, tu as ceux qui cherchent, qui continuent de chercher, puis qui reconnaissent qu'ils savent pas encore. Et puis, bah, tu as ceux qui se contentent de jolies histoires, de théories toutes cuites. Enfin, de théorie, pas au sens scientifique en l'occurrence, mais d'idées toutes cuites. Et puis, je crois que le combat au niveau intellectuel, on est encore là aujourd'hui, quoi. Mais bon, bah écoute, tout ça, c'était extrêmement intéressant. Je suis très content qu'on ait pu monter ce dossier à trois. On va peut-être pas épiloguer parce qu'on a nouveau fait un épisode assez long, mais enfin, évidemment, on reste ouvert à la discussion. Les commentaires. Et de chacun des dossiers et des notes de l'émission seront ouverts. N'hésitez surtout pas, quoi. S'il peut y avoir débat, s'il peut y avoir complément d'information sur la question, on est preneur. Et puis qui sait, c'est un dossier qu'on rouvrira certainement. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Oui, l'évolution, mais je pense qu'on pourra peut-être une fois en parler aussi avec Pierre, parce que moi, je suis assez intéressé sur l'évolution horizontale, en fait. J'ai entendu deux, trois, et lu deux, trois articles, entendu deux, trois podcasts qui parlent de ça, donc qui s'opposent à une évolution verticale dans le sens où les espèces se spécialisent. Ouais, qui s'y oppose pas en Non, fait, mais non, qui. qui la complète, pardon. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Ouais. Et qu'en fait, il y aurait des évolutions horizontales surtout en des bactéries, visiblement, de différents types, des bactéries de différents types qui acquerraient des spécialisations d'autres bactéries, d'autres types, d'une manière complètement horizontale. Bon, un sujet assez intéressant, qu'on pourra traiter une fois. Mais donc on a dit on va pas épiloguer Ouais. parce que là on déborde. Ce sera pour une prochaine fois. Est-ce que tu nous as préparé une petite quote de derrière les fagots pour couronner tout ça? Alors aujourd'hui. J'en ai deux. Alors, il y en a une, c'est Marco qui nous l'a envoyée. Tu es toujours avec nous, Marco? Oui, Oui. je suis là, je vous écoute. Alors, tu nous avais envoyé une quote de Théodosius Dobzhansky, je ne sais pas si je le dis Ouais. correctement, Oui, c'est ça, t'es au-dessus de Dobzhansky, ouais. qui, donc c'est un biologiste russe, et qui dit « Rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Donc, il n'y a pas de Ouais. finalité, on va un peu à l'encontre des créationnistes finalistes. Ouais, je crois que ça va aussi un peu à l'encontre de la manière dont la biologie est enseignée aujourd'hui dans les écoles, où on te fait apprendre des tonnes de trucs par cœur sans savoir à quoi ça sert au final, et puis ouais, la biologie embête tout le monde, alors que c'est vraiment un sujet passionnant quand tu le regardes justement à la lumière de l'évolution. Je crois que Dawkins dit à peu près la même chose. On devrait commencer par l'évolution dans les cours de Exactement, biologie. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon bah ouais, pas d'autres Ouais, mais commentaires, t'as fait la ça, tienne. c'est un truc que je comprends pas pourquoi en biologie les cours d'évolution se mettent à la fin. Ça Ouais, c'est me fou, hein, dépasse c'est complètement. incroyable. Ouais. Je vois pas la raison, mais bon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière. Enfin, peut-être que des biologistes pourront nous éclairer sur la question. Pierre, si tu nous écoutes, Alors ça c'est la on écoute, première oui. quote. Je te coupe parce qu'on va pas traîner. Et la deuxième, elle est de Jacques Monod, mais en fait, elle est visiblement attribuée justement au philosophe grec Démocrite. Donc pour te dire que les philosophes grecs n'étaient pas tous des créationnistes, Ok. qui avait dit tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. D'accord, je vais pas, je m'attaque pas à ça, je ne vais pas me lancer dans mes petites réflexions. Fruit du hasard et de la nécessité. Je ne sais pas comment il faut interpréter ça, surtout la notion de nécessité. Mais enfin, ok, on va la laisser ouverte à méditer, d'accord? D'accord, je ne te sens pas convaincu. Ah non, effectivement. Moi, pareil, je serais plutôt d'accord avec le hasard, mais la nécessité, j'ai un doute. Vous avez un doute. On est sceptiques, nous. Bon. Bon, voilà, mais on en parlera une autre fois parce que là, il faut vraiment D'accord. qu'on rende l'antenne. Ok, très bien. Formidable. Donc la semaine prochaine, on a de nouveau un invité, si tout va bien. On va parler de supraconductivité. C'est fou comment on saute du coq à l'âne hein, chez Podcast Science. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de l'émission, sans doute. Bon, en tout cas, merci infiniment à Marc d'avoir proposé ce sujet et puis d'être venu nous en parler. D'ailleurs, on lance un petit appel comme ça. Podcast Science est ouvert à ce genre d'initiative, clairement. Si vous êtes passionné ou si vous avez des connaissances particulières d'un sujet ou un autre, bah, vous êtes les bienvenus pour venir nous en parler. Vous savez comment nous contacter hein, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers le site podcastscience.fm. On est facile à trouver. Voilà, bah c'est tout pour cette semaine, on en reste là, on se retrouve la semaine prochaine. Très bien, merci Marco. Ben merci à vous. Et à bientôt. Merci. À À une prochaine, bientôt. à tout bientôt. Ciao, Ciao. ciao.